Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la première chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Gilles Larouche. Ben, c'est pas la première, c'est la deuxième, c'est-à-dire. Salut Gilles! Gilles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Du côté du club de golf de Saint-Prime. Il y a plus en fin de semaine, c'est pas très très beau. Donc là, maintenant. Pour les terrains de golf, pour nous aider à disons, les mettre en excellente condition. Sauf que nous, de notre côté, les gens travaillent comme en fin de semaine, en exemple. Même s'il y avait un congé férié, les gens travaillaient toute la fin de semaine pour mettre le terrain dans le meilleur état possible. Et ce matin, j'ai deux grandes nouvelles à te partager. OK. Premièrement, le premier neuf, on l'a ouvert ce matin. OK. On a fait notre configuration et on a redirigé des trous. Alors, nos premiers golfeurs, dès 7 heures ce matin, ont parcouru là, les trous 1 à 9. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons 18 trous à la disponibilité des golfeurs. 18 trous? Oui, exactement. Parce que là, depuis... le 31 août 2016, on avait fermé un œuf pour pouvoir compléter nos travaux. Okay. Et ce matin, voilà, c'est la conclusion de tout ça. Et autre nouvelle, c'est que pour les habitués ou les joueurs journaliers, le chemin, la voie d'accès pour le club de golf, disons que c'était dans un piteux état. On a fait plein de demandes de subvention au niveau des différents paliers gouvernementaux. On a été refusés parce que le golf, on ne rentre pas dans les paramètres. Alors, on a fait autrement. On a travaillé avec à l'interne et avec des entrepreneurs du coin pour refaire au complet le stationnement et la voie d'accès jusqu'à la route 169 asphaltée. Et on a commencé les travaux également ce matin. Ça devrait être complété là, peut-être d'ici 7 à 8 jours. OK. Donc, c'est qu'on refait comme il faut le chemin, là, parce que c'était pas l'idéal. Non, c'était... chaotique. Je me rappelle, pour y avoir été... Il n'y avait pas eu d'entretien depuis plusieurs années. Alors, le conseil d'administration, la semaine dernière, a pris une décision d'investir un montant pour permettre, entre autres, l'accès sécuritaire au club de golf. Montant de combien, hein? Ben, le montant, au départ, c'est sûr qu'on va le faire en phase. Mais si je prends le projet global, on avait une subvention il y a 3 ans qui était tout près de 300 000 $. Pour faire ça, là. On a coupé la poire en deux parce qu'on le fait plutôt en saison au lieu de le faire en plein milieu où est-ce que c'est la saison des entrepreneurs au niveau de l'asphaltage et du génie civil. Mm. Alors, on le fait dès maintenant. Et je peux dire que, sans te dévoiler le montant ce matin, parce que question de respect, on veut l'annoncer à nos membres dans un premier temps. Et la facture est beaucoup moins onéreuse là, que ce qu'il y avait dans le temps. OK. Donc, c'est bien intéressant. J'en viens sur l'état du terrain de golf. Il y a quelqu'un qui est allé en fin de semaine que je connais, puis il a dit qu'à Saint-Prime, l'hiver n'était pas très beau. Est-ce que c'est vrai? Ben, l'hiver, effectivement, on a eu une mauvaise surprise cette année. OK. Le golf, je dirais là, que les verts, ce sont des cycles. On a contacté, entre autres, notre agronome, nos gens qui nous vendent des produits. Et on n'est pas les seuls, là, je peux dire que cette année, quand tu enlèves les toiles, quand la neige fond, parfois tu as des belles surprises, les verts sont verts, c'est étonnant. Cette année, on anticipait ce phénomène-là, c'est-à-dire d'avoir des beaux verts. Quand ils ont sorti, il y avait des taches, c'était brun, il y avait des champignons. Alors, ce qu'on a fait, puis je pourrais te dire, Dani, depuis environ 15 jours actuellement, la priorité numéro un, c'est les verts. Okay. Même s'il y a beaucoup d'entretien, on a des équipes, c'est massif, ça travaille du matin au soir, il y a plein d'opérations. Et je suis heureux de vous dire qu'on a la bonne recette. Cette semaine, on voit que les verres sortent de plus en plus. Et d'ici 10 jours, les verres vont être en état, disons, parfait. OK. Donc, c'est une bonne nouvelle. Aussi, qu'est-ce que je pouvais dire? Ah, c'est ça que je voulais te demander. Le deck hockey à Saint-Prime, c'est la folie furieuse. Il y a 800, on dit qu'il y a 400 joueurs d'inscrits, 4 autres 5 qui s'en viennent. Peut-être qu'on va finir à 800 joueurs. Est-ce que ça peut venir aux autres sports comme le golf? Ou vous avez votre clientèle, puis non? J'ai... Ben, on a une certaine clientèle, mais c'est sûr que le joueur journalier, le joueur qui fait des expériences au niveau des sports, c'est clair que ça ne peut pas aider. Mm. Et d'un autre côté, moi, j'ai toujours un côté positif en me disant qu'il faut démocratiser le golf, il faut faire autrement, il faut trouver des bonnes formules pour accrocher les gens qui viennent nous visiter. Cette année, on a, disons, une perspective avec un nouveau terrain. Alors, les gens qui viennent ici, c'est notre devoir qu'il y ait une rétention, que monsieur et madame tout le monde reviennent. Et c'est clair, c'est un autre sport, ça va attirer une clientèle. Par contre, nous, au niveau de la clientèle junior, l'an passé, on a eu un petit peu moins de 60 participants. Cette année, les inscriptions, on devrait atteindre le même montant. OK, donc... Puis, on peut, puis c'est surtout la jeunesse donc, que je peux voir, là, que ça touche. Là. D'accord, OK, c'est plus les jeunes, tandis que le golf, même si on veut, même à quelque part, si on veut rajeunir considérablement, il reste une chose, c'est que votre clientèle primaire, c'est les personnes âgées, puis c'est pas eux autres qui vont jouer au décor hockey, là. Ben, c'est deux clientèles qui... Qui sont complètement différentes, là. Ouais, puis nous, les cibles, on se le cache pas, c'est vraiment les juniors, les jeunes et les femmes. Ah, OK. D'ailleurs, on commence ce soir les soirées des dames. OK. On a plusieurs inscriptions. C'est M. Jonathan Lambert, qui est notre directeur de golf, qui donne des cliniques, des leçons. Après ça, ils vont embarquer sur le terrain. On veut développer cette année des ligues de dames. Ah. Alors, ça va très bien au niveau des inscriptions, même si on n'a pas de température ou quoi que ce soit. Mais les gens s'inscrivent tout de même, puis c'est très encourageant. Ben, bravo. Ben, Gilles, très intéressant encore une fois. Au plaisir de se reparler. Puis, toutes les semaines, ce sera un rendez-vous soit avec toi, soit avec le président. Puis, ça va être bien intéressant. Ben, fun de parler de golf avec la gang de Saint-Prime. Merci, Danny. Ce soir, c'est une excellente semaine et j'invite tous nos amis golfeurs à venir nous visiter. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larocque.